100% Planète Rap. C'est parti pour la nocturne juste après Difool, 100% rap français. Il est là, il est de retour après une longue absence, mine de rien. Ouais, ouais, ouais, on est là, mon pote pirate. Le retour de L.I.M. dans les bacs depuis aujourd'hui. L.I.M. Chaque matin, la rage me sourit. Un album, même un double album. Un double album, 32 titres disponibles partout. Allez, le pécho, les mecs. Hein. C'est vrai que tu fais pas les choses à moitié. Non, on fait les choses bien. Faut faire plaisir au public quand même, vu que ça fait pas mal de temps qu'on m'a pas entendu en solo. Donc on a décidé de leur livrer un bon petit truc, un peu en restant dans le domaine street, quoi. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps, L.I.M.? C'était quoi? Plutôt au repos ou quand même boulot, mais... Non, boulot, mais t'as vu, moi je suis piqué au rail, t'as vu, tout le monde sait très bien. Hein, donc souvent je reste dans ce domaine musical, quoi. Quelques cabarets. Ah, au max. Quelques sorties. Quelques moments de vie. Quelques éclatades, escapades. Est-ce que tu as toujours envie de rapper? Est-ce qu'elle est toujours là, cette envie de rapper? Bah, toujours, hein. Le problème, c'est qu'on a ça dans le sang, hein, t'as vu. Donc, y a pas un moment où tu dis, allez, je vais ouvrir un cabaret. Ah, bah, le jour où j'ouvrirai un cabaret, tu me verras tous les jours dedans. Et peut-être même qu'il y aura des albums enregistrés dans le cabaret. Exact. Bah, comme au Bled, hein, tu sais. Au Bled, ils enregistrent les trucs en direct du cabaret, hein. Donc, bon, toi, celui-ci, voilà. Tu l'as fait où, à la maison, un peu partout? Bon, je l'ai enregistré au studio D-Sound avec Nordin, qui était Caredas, qui a fait les prises, etc., qui était là. Il y a Iso qui a fait toutes les basses dessus. Donc voilà. Le fameux Iso Diop. Grosse dédicace. Très très grand de la musique, justement. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est un album 32 titres. On va pouvoir découvrir une partie, pas tous, hein, ce soir dans cette première nocturne. Ouais, on va découvrir une petite partie, quoi. Et on peut aussi télécharger légalement, on peut y aller. On peut tout, légal, illégal, pas légal, t'as légal, ou régal, ou ce que tu veux. En tout cas, on peut aller cliquer. L.I.M. c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. C'est ça. Monsieur Bagdad est au contrôle. Didier Bagdad, c'est bon? Raccueillant. Quand tu veux, Bagdad, coup d'envoi de cette nocturne, L.I.M. au contrôle, je te laisse ambiancer, L.I.M. Bam, boum, on est parti. Hey, ya. Vous allez vivre l'impact de la science de la rue. Vous allez vivre l'impact de la science de la rue. Pirate, reconnais pirate, là le dicton, y'a pas que quand tu rabattes que je me tape contre les décons. Petite pute, là les pattes, touche pas à mon bifton. Ici, on s'éclate à toute patate comme tonton. J'ai des cons à être trop gentil. J'ai tout acheté, calibre, gilet, je recherche des torpilles. Y'a dans le CSBI, tu sais ce qu'on dit. Ce fils de pute est yébi, c'est ta seule famille. Impossible que j'oublie les frères qui m'ont fait, qui m'ont défait. Aujourd'hui, je me refais et je reste prêt. Le préfet, nique ta mère. Le juge, nique ta mère et nique sa mère. Le maire, s'il faut, je nique la terre entière. J'ai plus rien à perdre, tout à gagner. J'guette les Yankees, la seule à dans le grenier. Y'a pas un gros bâtard qui sera épargné. L.I.M. on n'arrête pas de s'en grêler. Grosse dédicace à tous les frères, tous les pirates. Aïe, on connaît. Hey ya, on n'oublie personne. Pirate, pirate. Tu connais la musique ou pas? Hey ya. Piratage. Grosse dédicace à tous les tchékas. Mec de cité. Dealer Bagdad, hi. Hi, moi je suis qu'un mec de cité. Hi, moi je suis qu'un mec de cité. Hi, moi je suis qu'un mec de cité. Dans les salles d'affaires, je suis toujours cité. Toujours excité comme un petit de la cité. J'ai volé dealé par nécessité. En réalité, moi je suis qu'un mec de cité. voté, y'a beaucoup trop de détenus. J'ai jamais voté car c'est tout est vendu. Et dans la criminalité, Dédicace à tous les mecs de cité, tous les mecs de quartier, chaque four. Aïe, vas-y, balance-moi ça, frérot. Bagdadien. Moi, je suis qu'un mec de cité. Moi, je suis qu'un mec de cité. Dans les salles d'affaires, je suis toujours cité. Toujours excité, comme un petit de la cité. J'ai volé, dealé, pas nécessité. En réalité, moi, je suis qu'un mec de cité. Je suis qu'un mec de cité. Je suis qu'un mec de cité. Je suis qu'un mec de cité. J'ai dû me battre pour pouvoir exister. Moralité, y'en a plus. Dans ma communauté, y'a beaucoup trop de détenus. J'ai jamais voté, car c'est tout est vendu. Et dans la criminalité, trop on la langue pendue. La fraternité, c'est perdu. C'est devenu pété, chacun ne pense qu'à son cul. J'arrête pas de cogiter, combien de frères se sont perdus. Je suis trop agité, tu m'as déjà vu quand j'ai bu. Moi, je viens de la Tesse, moi, je viens de la Hesse. De là où on te blesse, pour pouvoir faire sa pièce. Grosse pute Mercedes, stup kilo de cesse. Dope entre les fesses, on ramasse les espèces. 7 sur 7, j'ai déjà postiché au Tiga. Avec mes las 4K, j'enchaîne les gros pétards. Allez, retour au star, volé comme un crevard. Rusé comme un renard. Moi, je suis qu'un mec de cité. Dans les salles d'affaires, je suis toujours cité. Toujours excité, comme un petit de la cité. J'ai volé, dealé, par nécessité. En réalité, moi, je suis qu'un mec de cité. Je suis qu'un mec de cité. Je suis qu'un mec de cité. Je suis qu'un mec de cité. J'ai dû me battre pour pouvoir exister. Saboter sa petite vie, à squatter jour et nuit ce fils de putain de parvis. Comploter pour faire son yébi. Ce pigeon tant été dans cette putain de servie. Trop de fois menotté devant la mer à la Tessie. Ultra boycotté, c'est jamais c'est mon récit. On sait que c'est à la santé que freine fleurie. La perquise m'a hanté et ça depuis petit. Moi je viens de là-bas, traîne avec la hagra. J'suis pas seul dans ce cas, H24 sous le hara. Fume le chocolat. Voyage pour ta cara, en évitant le car plat. J'fonce les pneus à plat. 7 sur 7, j'ai postiché au Tiga. Avec mes las 4K, j'enchaîne les gros pétards. Allez, retour au star. Volé comme un crevard, rusé comme un renard. Aye. Moi j'suis qu'un mec de cité. Dans les salles d'affaires, je suis toujours cité. Toujours excité, comme un petit de la cité. J'ai volé, dealé, pas nécessité. En réalité, moi j'suis qu'un mec de cité. Un mec de cité, aïe. Grosse dédicace à toutes les générations. Aïe, on connaît la musique. Aïe, hey yo. Hey yo. Pour pouvoir exister. Mis de côté depuis l'enfance. Dur de remonter la pente en toutes circonstances. Se démonter la tête en puissance. Impossible de dompter un Zairi en France. Se faire péter à cause d'une petite balance. J'ai jamais regretté ma délinquance à outrance. Les petits se mettent à guetter avant l'adolescence. Vendre et racheter l'illicite substance. Sur scène, j'ai déjà postiché au Tiga. Avec mes las 4K, j'enchaîne les gros pétards. Allez, retour au star. Volé comme un crevard, rusé comme un renard. Aye. Moi, je suis qu'un mec de cité. Dans les salles d'affaires, je suis toujours cité. Toujours excité, comme un petit de la cité. J'ai volé, dealé, par nécessité. En réalité, moi, je suis qu'un mec de cité. Je suis qu'un mec de cité. Je suis qu'un mec de cité. J'ai dû me battre pour pouvoir exister. Moi je suis un mec de cité. Moi je suis un mec de cité. Moi je suis un mec de cité. Moi je suis un mec de cité. Moi je suis un mec de cité. Moi je suis un mec de cité. Moi je suis un mec de cité. Moi je suis un mec de cité. Moi je suis un mec de cité. Moi je suis un mec de cité. C'est La Nocturne, c'est 100% rap français, c'est L.I.M. au contrôle de La Nocturne. Hey, avec un extrait du projet qu'on écoute à l'instant, L.I.M. Voilà, on a écouté deux petits morceaux, l'intro, un titre qui s'appelle Mec de Cité, le clip qui va arriver bientôt. Et voilà, on marche. Toujours un mec de cité, Eliem, ou pas? C'est combien de temps que tu rappes la rue maintenant? T'as vu? 20 ans? Ouais, ça fait. Ouais, bah, même plus que ça, carrière, hein. Ouais, bah, toute ma carrière, j'ai commencé le rap à 9 ans. Mmh. Donc j'en ai 37, ça fait, ouais, ça fait plus. Hein. Ah ouais, un peu plus. Donc, toujours, toujours ça. Ah, toujours la street, hein, tu veux faire quoi? Non, mais donc, je me dis peut-être, voilà, il y a des moments où t'es un peu éloigné de la street. Il y a des moments où on est au hammam. On se craque. Et puis il y a d'autres moments, c'est le retour au quartier. Voilà, t'as voilà. compris. J'ai tout compris. Hein. Non, on est là au max. Hein. Voilà, on arrive avec un nouveau projet, histoire de... Voilà, toujours le même discours. Hein. Tu vois, expliquer un peu les... tout ce qui se passe dans la rue. Et voilà, notre mécontentement, etc. etc. Il y a toujours ouais, cette colère qui est en toi, Eliem, ou pas? Ou encore bah, plus maintenant ou... Bah, elle y est toujours, parce que si t'analyses, il n'y a rien vraiment qui a changé. Hein. T'as vu, hein, depuis qu'on se voit, depuis chaque émission qu'on a faite... Si tu regardes, tu fais le bilan, c'est la même chose, hein, t'as vu? Oui, c'est vrai que je t'entends toujours pas chanter de la variété, genre tout va bien avec une petite fleur. Oh, pourtant j'écris. Avec une petite marguerite dans la bouche. Pourtant j'écris, hein, tu sais, je suis auteur pour pas mal oui, de. Oui, c'est vrai, en plus. Hein, mais ça, tu le dis pas assez, je trouve. Là, j'ai travaillé. J'écris pour beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, c'est ça. Là, j'ai fait. J'ai travaillé sur l'album, tout l'album de Florent Motte. Ouais, qui est pourtant, on peut se dire, Eliem Florent Motte. Voilà, c'est. Là, il est avec Danse avec les stars. Grosse dédicace à Flo Flo. Et voilà, j'écris pour Véronique Jeannot aussi. Donc, voilà. Je me souviens de Pause Café pour les plus anciens. Voilà, t'as vu. Tu te souviens de Pause Café? On a tous rêvé d'elle, je pense. Hein. Voilà, il y a un moment. Bah, allez cliquer si vous connaissez pas Pause Café. Et découvrir qui est Véronique Jeannot. Non, mais c'est fou, c'est vrai que t'écris pour plein de gens. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et comment t'arrives à te plonger justement dans l'univers d'un Florent Motte ou d'une Véronique Jeannot? Bah, c'est simple, hein, il suffit d'un peu discuter avec eux, de voir un peu leur univers. Après, on s'adapte, hein, tu sais, les mecs de la street, hein, on s'adapte. Hein. Caméléon. Bah, il faut, hein, sinon on te mange tout cru. Mais là, t'es content de rapper quand même sur cet album. 32 titres, a priori, oui. Ouais, sinon, je l'aurais pas fait. A priori, j'ai fait 32 titres. T'as vu, j'ai essayé de représenter un peu tout le monde. Il y a pas mal de. Il y a quelques featuring qui sont dessus. Donc on y arrivera peut-être au fur et à mesure et voilà quoi. Toujours sur pour te suivre toujours sur Facebook. Facebook, Eliem92 officiel, Instagram Eliem92 officiel, Snapchat Eliem92 officiel 1, Periscope. Ah oui, tout. Tout, ah, Vine. Ça on a équipé. Ah oui, t'es bien équipé quoi. T'as vu ça? C'est connu, au début il y avait juste Facebook et petit. Bah, au début j'avais que des petits téléphones de dealer. Aussi, t'as vu? Ouais. Après, on m'a dit qu'il fallait que je passe à la 3G, 4G, c'est là, on est à 4G pour l'instant. Ah, 4G, voilà. 4G. En attendant la 5, la 7, la 8. Et voilà. Ainsi de suite. Exactement. Bon, on est reparti Bagdad au contrôle. On est reparti DJ Bagdad. Qui va nous balancer ça. Hey ya! L-I-M, hey, 92 officiels, Facebook. Je suis un de la street. Tous les street, man. Hey, on est tous égaux, tous égaux, tous différents. Tous différents. Chacun sa vie délinquant. Hey, je viens de la street. Je viens de la street. Si le manque d'argent chez nous se ressent, tant pis, mon ami. Je viens de la street, man. Je viens de la street. Moi, je viens de la street, man. Mieux vaut qu'on s'acquitte, man. Je rêve de faire. Clare et du ciel. Clou ton compact, man. Depuis l'époque de Walkman, un décor. la street. Moi je viens de la street, pas de fait tapiner les nymphomanes. Tu connais le rêve. Dans mon cerveau c'est le Vietnam. 200 kilos dans mon van. Normal faut bien que je crée. Depuis petit que je stream rame sur le terrain. Doliprane. honore les reins, ça braque, supermarket, ça se calme pour un rien et personne ne regrette. T'es comme un galérien que la France rejette. Appuie sur la gâchette, vas-y, appuie sur la gâchette. Si t'as plus de balles, il te reste toujours ta hachette. Y'a trop de trous de balles qui veulent te la mettre en cachette. Tu dis au fils de pute de plus tirer la main, de plus sucer la pute quand t'es grosse putain. Tu t'es fait enculer en étant ton prochain. Grosse dédicace à tous les frères. Hey ya, pirate dans les bacs. Allez le pécho les mecs. Hey ya, on connaît la zikmu. Hey ya, one, two, three. Hey ya, hey ya. Pirate, piratage. Pirate, pirate, piratage. Pirate, piratage. Hey, pirate dans les bacs. La Nocturne et c'est L.I.M. au contrôle de La Nocturne. 100% rap français. Double album dans les bacs. C'est ça, frérot. Allez, le pécho à la flaque, partout. Hey, ya. La Nocturne, 100% rap français avec L.I.M. au contrôle sur Skyrock. Ce soir dans La Nocturne, les messages, allez-y. Nocturne de L.I.M. sur Skyrock. Vous balancez des messages, ça arrive direct dans le studio. Pirate est donc dans les bacs depuis Pirate aujourd'hui. Pirate dans les bacs depuis aujourd'hui. Partout, téléchargement physique. En streaming. Ça y est, t'as basculé aussi en streaming maintenant. Bah ouais, je suis bien, t'as vu. Je suis bien, en plus j'ai des bons classements en Irak ou tout ça au Yémen. Je suis bien classé. Ah ouais, on écoute aussi L.I.M. partout. Ouais, c'est vrai, voilà. Dans le monde entier. C'est vrai, la dernière fois j'étais 6e en Irak. Donc c'est bien. Écoute, allez donc cliquer, que vous soyez, où que vous soyez, en Irak ou en France, allez récupérer le double album Pirate qui est dans les bacs. Tu veux dire un petit mot avec les gens avec qui t'as bossé sur cet album? Bah déjà, je remercie tout le monde, t'as vu, hein, je remercie Caredas d'avoir été là avec nous chaque soir, nous avoir soutenus, etc. Iso, Coif, tous les gens qui ont participé, Mohal Vagabond, Fianso Jumeau, Samira, Salo, tous ceux qui étaient là avec mon studio. On peut quoi. Les saluer puisqu'ils sont aussi dans le studio. Samira, voilà, il y a Samira qui est là. Toujours là, toujours en pleine là, forme. Il ouais. y a Soso Jumeau qui est là aussi. Hein Toujours là. Aussi, pareil. Il y a Simohar Vagabond. Il est là, moi. Toujours Al. Moi, il est fort parce qu'en plus, il cale même les nocturnes. C'est lui qui me dit ouais, il faut caler parce qu'à Liem, on sait pas trop où il est, mais il va revenir le 30 septembre. Enfin. Bah, je suis arrivé il y a deux jours en fait. Voilà, c'est. J'étais au bled. Donc, la merci à moi qui a bien tout calé et tout au top. Ah, il est là, moi, top management. Ah, au top. On est polyvalent. Ouais, je vois bien. Ouais, voilà, on est là, t'as vu, et on continue, quoi, t'as vu. Et bah, l'aventure continue, on va continuer à découvrir donc ce double album qui est dans les bacs qui s'appelle c'est ça. Pirate. Pirate, là, on va s'écouter un morceau qui s'appelle Jus de bagarre. Parce que tout le monde sait très bien que le whisky, j'aime beaucoup. Donc, oui, c'est vrai. C'est grosse vrai. Dédicace au jus de bagarre. Avec modération toujours, mais... Toujours avec Matt. Est-ce que nous, déjà, on se modère dans notre vie? Déjà, ça, là, t'as vu, on sait très bien, nous, on sait pas trop zéti, hein. T'as vu, hein, quand il y a une bouteille, on est obligé de la niquer jusqu'à la fin. Hein. C'est pas, on achète une bouteille, on la garde... Précieusement. Non, on la tue direct. Hein. C'est vrai que ça tient pas très longtemps. Ah non, pas du tout. Donc, DJ Bagdad, t'es OP ou t'es pas OP? Hein? Ou je t'envoie George Bush? Dis-moi. Hey, ya! Tu me vois en garde à vue, c'est que je n'avais pas le choix. ce fils de pute mon hul. Alcool, soucis, garba. De toute façon c'est ça ma vie drue. Drogue, argent, ça geisha. De toute façon c'est ça ma vie drue. Mort, j'y repars, garba. Posté chez toujours chez chat. Comme quand je vais faire un parloir. Chez nous ça sont des histoires. J'suis en mode de bagarre. Barbare, berbère, rusé comme un renard. Sorti de nulle part, j'ai raté le départ. J'me mélange pas avec les putes, tu m'vois toujours à part. Hey, j'suis en mode de bagarre. En mode blédard. J'me lève tard, j'me couche tard. Et dans tout ça faut pas que j'm'égare. Je suis en mode de bagarre, sans permis, contrôlé, positif par les stars. Des virus multirécidivistes, comme un loupard. Si ta maître bouge ou t'as une chance de vénard. Et si tu me vois en garde à vue, c'est que je n'avais pas le choix. Ce fils de pute mon hul. Alcool, soucis, garba. De toute façon c'est ça ma vie drue. Drogue, argent, ça geisha. De toute façon c'est ça ma vie drue. Mort, j'y repars, garba. Grosse dédicace à tous les frères. Rendez-vous, c'est Ibrahim du coin. On va chez le Schleich ou pas? Aïe, JB, Jude Baise, Jean Bombeur, aïe, Jude Bagarre. Aïe, tu connais la musique, frérot? Hey, un petit classique pour les frères. Aïe, écoute bien, tout chez les C. Hey, c'est N-I-M. Aïe. Et ça d'un hostel, hey ya, écoute bien. Ici on te descend, pour moins d'un pinceau. Ça sent le pinceau dur de faire son pinceau. Se faire des ennuis, jour et nuit. On fuit la police qui nuit à notre piste de cannabis. L'ami, j'pisse sur la terre entière. Nique leur mère à la pute, elle devait au cimetière. J'ai tout vu, j'ai tout mis dans leur cul. Insoumis jusqu'à la mort, sale est mon vécu. Insomnie, les clients sont comme des momies. Demande à mamie, trop ont perdu leur vie au rami. Marre de ramer, H24 cramé. Laisse les alarmer pendant que nos mères sont en larmes. Stressé, dur de voir son fils agressé. Par une bande de CRS à la matraque dressée. J'ai dressé ma vie sur un tissu fripé. Vidéo surveillance, tous les jours je suis clippé. Rien ne sert de flipper. On est tous équipés, tous typés. Suspect, mais on suce pas d'aspect. J'ai l'aspect d'un vampire quand tu me croises en after. Je rentre toujours après le facteur. Je rêve d'une carrière d'acteur. Mais pour l'instant je vends du champ défoncé sur mon tracteur. En mode réacteur de fusée. De tout je viens abuser. Le tableau de ma vie est un musée. Je joue avec le feu. Je n'ai peur que de Dieu. Inch'Allah comme mon frère je deviendrai vieux. Mon milieu de travail est infesté de racailles. De haraï, de volailles. Pour rien ça se mitraille. La médaille du voyou on l'a déjà. quand à 6h du mat face à toi y'a les ninjas. J'ai cassé le carreau, sans connaître le tarot. Je me suis vu partir en couille dans un jeu de tarot. Les couilles du taureau, on les a déjà arrachées. Tout comme la caisse du commerçant à la fin du marché. Marcher sur la lune n'est qu'un putain de rêve. Normal, ici passé, marche ou crève. Hey yo, j'suis la hyène du zoo. Présent dans tous les réseaux sociaux et urbains. J'vends de la poudre de Berlin, pin pin. Même aux traîtres, aux travelots et aux pantins. Suis-je un mac autour de moi, y'a trop de catins. Prêt à me faire le coup de lapin. Y'en a plein partout, rares sont les hommes comme marteau. Moi j'fais confiance au mecto. Aya, Zairi. Aya, Dormizel, Zellel. Aya, on connaît bien, Boukharfa. Aya, Jarjara. Aya, ma belle Jarjara. Aya, Tohistik. Aya. C'est la nocturne, 100% français avec Aliem au contrôle. Et un morceau un peu plus mélancolique aussi. Hein, bah, là, comme d'hab, hein, t'as comme vu, d'hab. On connaît hein, la médaille du voyou, on l'a déjà. On est hein, H24, on est clippé nous dans la street. Hein, on n'a pas besoin de. Hein. Il y a d'ailleurs des images en ce moment, Aliem, qu'on peut battre ou pas? Il y a des choses qui sont. Bah, il y a le clip Eldorado qui est en ligne. On a déjà dépassé les 2 millions de vues. Il y a le clip Passe le Salam qui est en ligne. Il y a le clip Ma vie de pirate, tout ça sur LIM TV, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Hein. Donc pour découvrir les dernières images. C'est ça, hein, voilà. Après on continue au niveau de l'album. Il y a Fianso Jumeau qui est avec nous, qui va nous rejoindre là, qui va prendre sa petite place, au calme. Oui, on a un morceau ensemble sur l'album qui s'appelle Big Grave. On va l'écouter. On va l'écouter juste là, ouais, dans un instant. Bon, on écoutera un morceau à lui juste après de son projet. Attends, quand t'entends bien, voilà. Chez Omar là. C'est voilà. Bon, on t'entend. Elle est là, la grosse team Urs. On entend ta douce voix. J'espère que vous avez tous pécho l'album là. Et on peut y aller par exemple ce soir. On peut aller légalement, je précise, télécharger. Comme vous voulez. Malaba, comme ils disent, faites ce que vous voulez. Hein? Et toi, t'as un projet qui sort aussi, c'est ça? Ouais, j'ai l'album, là, Inch'Allah, on va essayer de sortir avant la fin de l'année 2016. Mais on a terminé l'année 2015, j'ai sorti Coufran, sans promo, je l'ai envoyé à l'arrache, album gratuit sur Haute Culture, le 31 décembre 2015. Et le 19 juin 2016, là, j'ai balancé aussi un album gratuit, BBD. Allez le chercher sur Haute Culture, allez sur la chaîne YouTube, Fianso Jumeau officiel. 94310 DLZ Record. Hollywood. La page Facebook, Fianso Jumeau MSK. Snap, vas-y, il y a tout de toute façon. Il y a toutes les infos. Faire ouais. Plaisir. Voilà. Là, on est sur l'album à Salim. Hein, on va écouter Big Rave là. On va écouter Big Rave, un morceau dédicace à tous les Big Raveurs. À la street. Tous ceux qui charbonnent H24. Voilà. Eliem au contrôle de la nocturne. On y va. C'est parti. Vas-y. DJ Bagdad. Hey ya, hey ya. Salut. Code bien. Ça piquera du verre comme été. Ça piquera du verre comme été. Malgré les petits souhaits à guetter. Combien de chauffeurs se font péter. Ça piquera du verre comme été. MDMA. Ça piquera du verre comme été. Crackweed, Rohaina. En bonne ou mauvaise santé. Pochons, faut les faire canter. Pour éviter de se faire remonter. Arrêtez de vous la raconter. Et même les côtes auraient peu ça de compter. Père, mes frères, devraient nous compter. Renoir, Absa, Chinois, Blanc, Pondé. Séancé, ici, n'oublie pas de pointer. Ils veulent te niquer sur leur inté. Dans le bis dur de s'arrêter. Faut toujours en dessous qu'on t'a prêté. Pas facile d'être endetté. On n'a pas le temps de regretter. Les balances, faut les maltraiter. Ça piquera l'hiver comme été. Ça piquera l'hiver comme été. Ça piquera l'hiver comme été. Malgré les petits souhaits à guetter. Combien de chauffeurs se font péter. Ça piquera l'hiver comme été. MDMA. Ça piquera l'hiver comme été. Crackweed, Rohaina. Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, Crap, bulle, je vends des pilules. Hey, y'a plus rien à faire. J'suis dans ma bulle, fuck la cellule. On te monte en l'air. Ça s'encule sans scrupule. Déterre sous ses airs. Prends du recul, fais des calculs. Ça piquera l'hiver comme été. Ça piquera l'hiver comme été. Malgré les petits souhaits à guetter. Combien de chevaux se font péter. Ça piquera l'hiver comme été. MDMA. Ça piquera l'hiver comme été. Excusez-moi, pour une fois fais-moi crédit, mec. Tu délires, quoi? Te faire crédit, moi? Mais va te faire foutre par qui tu veux. Viens ça, mec, j'ai des cheeseburgers super, de beaux tout cheeseburgers, mec. Genre de table, les avoir pour les hommes, je deux fois trop. J'en veux pas de tes pizzas de cheeseburgers. Attends, mec, je peux te sucer la bite. Ça détaille, ça bicrave dur. Du shit et de la verdure. Dur. De l'Ior à la neuf court. Court. Demande à Shrek et à Tortue. Aïe. Dans les hurts, t'es perturbé. Un peu rapide comme iturbé. Usurpé par un PD. Sur toi, ils enquêtaient. Ils ont les crocs, ils ont la cale, ils ont la dalle. Personnel, sur le bitume, ils perdent la balle. Moi, je m'en bats les couilles, ouais, vas-y, rempale. Garçon, sur mon attitude est délire pas. Un chacal en liberté dans la jungle. Sur ma branche, comme un singe qui est jungle. Ferme ta gueule, je suis dans mon délire, je veux m'enrichir. Ça piquera l'hiver comme été. Ça piquera l'hiver comme été. Malgré les petits souhaits à guetter. Combien de chevaux se font péter. Ça piquera l'hiver comme été. MDMA. Ça piquera l'hiver comme été. Connais la musique. Crave, hey ya, Hollywood. 9492, tous les rintés de France. Yo. On s'est compris. Hey ya, jusqu'à Mont-Saint-Martien. Hey ya, du sud au nord, de l'est à l'ouest. La même monnaie. On connaît. Aïe. Voilà, c'est la grosse exclue de l'album. Fallait pas là. Hein. C'est vrai que c'est triste de. Pour les amitiés gâchées, les traîtres. Les amitiés déguisent, pendant que la haine s'attise. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? C'est vrai que c'est triste. Les amitiés déguisent, pendant que la haine s'attise. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? À force de sucer des bites, tu reconnais plus ton équipe. La nostalgie qui prend le dessus, en liquide, sur les tripes. On te fait valser ma gueule, calibré, on est habile. J'aime la solitude, j'préfère marcher seul dans la ville. J'me fais rare comme la repu qui tourne sur le terrain. On essaie de ravitailler les cas sociaux en tout terrain. Ça bicrave dur. Bientôt la mise au vert. Il dort la bouche ouverte, il rêve d'oseille, il veut tout faire. On parle de toi au passé, mais t'étais là hier. On se tapait des barres grave. Aujourd'hui, bah, c'est la guerre. On se reproche tout, même des faits divers. Les embrouilles commencent au soleil et se terminent l'hiver. C'est vrai que c'est triste. Les amitiés déguisent, pendant que la haine s'attise. Qu'est-ce tu veux qu'on se dise? C'est triste. Les amitiés déguisent, pendant que la haine s'attise. Qu'est-ce tu veux qu'on se dise? De nos jours, l'amitié, ça vaut un bout de shit. Trop parler peut tuer, alors je dirais que tu. Dédicace mais vrai, mais dis qu'en B, qu'on pose qui l'a-t-il. La ZR hors limite et sans oublier Bouche-Bi. Je vous donnerai mes problèmes à tous ceux qui m'envient. Mettre un terme à ta vie à cause de mes problèmes. Y'a plus d'amour, l'ami, il reste que de la haine. Beaucoup de regrets, c'est vrai. Elle fait de la peine, ma vie. La vérité, j'ai dû changer quelques habitudes. Privatiser le bitume, on oublie les études. Je vois ma vie qui défile et j'ai perdu beaucoup d'amis. Perdu beaucoup d'années, condamnés étaient mes amis. On est monté, on a coulé, on s'est fait trahir. Et hors montant, je les regardais parce qu'ils m'ont vu périr. Je suis pas parti, je suis toujours là, j'ai pas changé de parti. J'ai pas changé de patrie, 2001 sous avis. C'est triste. Les amitiés déguisent, pendant que la haine s'attise. Qu'est-ce tu veux qu'on se dise? C'est vrai que c'est triste. Les amitiés déguisent, pendant que la haine s'attise. Qu'est-ce tu veux qu'on se dise? De nos jours, l'amitié, ça vaut un bout de shit. Trop parler peut tuer. Alors je dirais que chi, je dédicace mes vrais. Mehdi Kambé, Coco Skilachi, la ZR hors limite et sans oublier Bush B. Je vous donnerai mes problèmes à tous ceux qui m'envient. Mettre un terme à ta vie à cause de mes problèmes. Y'a plus d'amour, l'ami, il reste que de la haine. Beaucoup de regrets, c'est vrai, elle fait de la peine ma vie. C'est vrai que derrière mon dos, j'ai un cimetière d'amis. Et quand je t'écoute rapper, j'entends aucune humilité. Et quand tu joues les durs, tu me donnes envie de boyer et dire qu'avant je t'aimais, maintenant je peux plus te saquer. Et même si ça va pas, tu crois vraiment que je vais te le dire. Mes coups de cafard, tu crois que moi je les vois venir. Et trace ton chemin, l'ami, et vas-y, fais ta vie. Très peu de gens connaissent ma vie, moi je suis comme Carlito. La rue cause de mille une zoo, moi je suis mafia Cafri. Bien plus que certains qui prétendraient le contraire. RERC 1-8-3, Orly, choisi Vitry. On a fait nos pas de Georges Méliès à la prairie. Et ceux qui m'appellent frère, que dans leur galère, je vous baise avec mon cœur. J'ai la haine à mort. Par amour, je pourrais vous faire du mal. Ça a pu la mort, y'a plus personne à bord. Je viens du 9-4, d'Orly plus précisément. Là où la guerre a pris le dessus, malheureusement. On a tous des souvenirs avec nos ennemis. Hier c'était super, j'en pleure tous les jours. Je vois des petits frères qui ont perdu la raison. Y'a plus de principe, le petit vol dans les buissons. Détonation, gyrophare, bruit sombre. Et bah alors, c'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Petit problème technique? Bah c'est le concept de la nocturne, 100% rap français. Ah, On était parti pourtant dans le son. Eh hey, gars, c'est comme ça. Hein. Ah ouais, t'as niqué le délire. Hein. Mais le son s'est arrêté brutalement. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Bah tiens, ce son en attendant, où est-ce qu'on peut l'écouter en intégralité? Bah ce son en fait, c'est une exclue de son album qui arrive. Mmh. Une bête, une bonne tuerie. Ouais, c'est une exclue de l'album en fait. Et donc voilà quoi. J'avais l'exclu, mais bon. Et bah on écoutera la suite sur l'album. On a eu un bon teasing. Non, mais de toute façon, je vais te laisser des morceaux. Et bah avec grand plaisir, voilà. Comme ça, on va mettre en intégralité. Eliam, je crois que tu voulais que t'étais bah, chaud pour va une faire, petite on... session. Ouais, je vais faire, on va retourner un peu à l'ancienne. Faire zizir à tous les mecs, tous ceux qui nous suivent depuis 98, héritiers de la rue. Mmh. Balance Bagdad, on y va. Hey ya, grosse dédicace à tous les frères qui nous suivent depuis l'époque. Motherfuck, je donne des sueurs froides comme Hitchcock. Écoute, hey yo, à 9 ans les chiens, moi je squattais dans les halls. Pendant que d'autres jouaient les ninjas, moi je voulais le monopole. Alors j'ai pris des coups par les plus grands que moi, qu'à contrôler la cour des grands pour un petit, c'est impossible, crois-moi. Et naïf comme j'étais, je voulais devenir bandit. Alors comme mon pote s'arrive avec ma mère, j'ai eu plein d'ennuis. Que top, les civils m'escortent, des perquises. Ça choque la famille de savoir que son fils mène une vie grise. Depuis je méprise la scolarité, évite le couteau, il se lâche sur la vérité. Et toute la journée je squatte sur le même banc, je misère les mêmes plans, les mêmes déclans, j'esquive les mêmes représentants. Globe, qui deviennent photographes, qui deviennent le facteur des situations les plus graves, c'est nul. Ma mère est tombée sur ma cachette. Quelques billets de sang, j'ai une trentaine de barrettes. Elle est devenue folle, elle pensait qu'à me flinguer. Et en sortant de l'école, j'écoutais des coups de barret. Et y'a une morale de dingue. Heureusement pour moi qu'elle n'est pas tombée sur mon flingue. Et là, je vois que ses larmes coulent, que ce drame poule verse notre vie bien cool. Dans un HLM peut-être défavorisé, mais j'aurais pris le bon chemin si elle aurait été sécurisée. Mais ce n'est pas le cas, car chaque jour je suis craquin. Et le matin, impossible de me lever de mon tréca. Et craquin, lui me lâche plus comme un morpion. Même quand je dors ou quand on dit que je suis un champion. Alors top qu'à faire, mec on se laisse aller. Quand on arrache les sacs, mec dans cette sombre allée. Toute façon je dormais de la France comme un comète allé. LIM arrive en force donc allez. Tous pêche ou pirate, comme moi, ici on s'éclate à tout patate. Pirate, DJ Bagdad, ici c'est la patate. Aïe, tu connais la musique. À l'instant, en live, dans l'émission LIM qui nous a renvoyé quelques années en arrière, à l'instant. C'est ça, histoire de revenir un peu, hein. Pas facile de se rappeler de toutes les paroles, parce que c'est vieux quand même. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des concerts de prévu ou quoi, LIM? Est-ce que tu vas tourner encore? Parce que je sais que t'aimes bien te balader. On organise, je tourne partout, t'as vu, mais on organise ça, on va voir. Hein. Ça arrive. On continue cette nocturne? Bah on continue, t'as vu, on continue encore dans les featuring. Il y a Mohal Vagabond qui est avec nous ici. Il est avec nous. On va l'écouter, hein, ça va bien. Ça, on est là. En on pleine est forme. Là, pirate dans les bacs depuis aujourd'hui, on est là. Exact, à télécharger maintenant, allez-y, voilà, n'hésitez pas à les streamer aussi, à les streaming direct. Ouais, Mohal Vagabond, on peut le retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur partout, Snapchat, quoi. Sur tout ce qui existe. Et on peut te retrouver aussi prochainement dans les bacs, toi aussi ou... Ouais, moi je prépare, t'as vu, mon album, là je suis sur la fin, mais bientôt, début 2017, moi, il est là. Mohal Vagabond, il arrive. Et bon, on écoute quoi alors? Écouter le titre qui est en featuring avec moi sur l'album. D'accord. Donc, tout et tout de suite. Tout et tout de suite. Donc on écoute quand ça. Vous voulez. Et c'est parti, DJ Bagdad. Dur de se repentir. On m'a dit d'apprendre à marcher pour pouvoir courir. Ma vie a sauté. Égal à moi-même, les mots collent avec mon personnage. Je ne trompe pas ma veste, seulement les pages. D'ici et d'ailleurs, c'est mon côté Robinson. Dramaturgie, histoire, baigné dans le sang. Je prends la vie comme une farce et me noie dans la masse. Je regarde la vérité qui me gifle en pleine face. Personne connaît la fin du film à part le scénariste. Souvent derrière un sourire, tu trouveras une âme triste. Un grain de folie, le cerveau en exil. Dehors, y'a plus de fous qu'à l'asile. Creuse mes sentiments dans un cœur fait d'archives. Mes émotions m'envahissent, c'est mon talent d'archive. On veut tout et tout de suite, moi, tout et tout de suite. Quitte à se faire péter par les schmitts. On veut tout et tout de suite, on veut tout et tout de suite, moi, tout et tout de suite. On veut tout vite, vite, on veut tout et tout de suite. On m'a dit d'apprendre à marcher pour pouvoir courir. Mais je veux créer mon empire sur le terrain, c'est vivre ou mourir. La galère, pas facile d'en sortir. En mode voilà la tire pour que dalle s'attire. Devant la juge, faut mentir, tu dois se repentir. On m'a dit d'apprendre à marcher pour pouvoir courir. Ma vie a sa délire. Plus d'espoir, donc plus de rêve. Si je dois partir, allume un cierge. Le monde est tel, demande à qui on t'aide. Tellement d'épreuves, l'amour ne sera pas accidentel. Un joint d'huile pour calmer mes nerfs. Mais en vrai, frère, y'a plus rien à faire. J'suis en mode guerre, plus que des terres. Une bouteille de JB pour m'exterminer. Le film est terminé. Ma conscience dans un chargeur éclabousse sur un papyrus. Le destin se joue de nous comme à la roulette russe. Ça prendra les slays s'entre-sus. J'ai plus d'une astuce sous mon abri bus. On veut tout et tout de suite, moi, tout et tout de suite. Quitte à se faire péter par les schmitts. On veut tout et tout de suite. On veut tout et tout de suite, moi, tout et tout. Sur le terrain, c'est vivre ou mourir. La galère, pas facile d'en sortir. En mode voilà la tire pour que dalle s'attire. Devant la juge, faut mentir, dur de se repentir. On m'a dit d'apprendre à marcher pour pouvoir courir. Ma vie a sa délire. J'ai dû apprendre à marcher avant de courir. J'ai dû apprendre à pleurer avant de sourire. J'ai dû apprendre à voler, dealer pour me nourrir. J'ai dû apprendre à charbonner pour ne pas pourrir. J'ai dû encaisser pour plus s'ouvrir. Je me dois tout niquer pour pas subir. J'ai dû apprendre à nier avant de mentir. J'ai dû apprendre à prier pour me repentir. Chaque jour on risque le pire. À la cité ça empire. Tire une taffe et respire. Il est l'heure de s'instruire. On veut tout et tout de suite. Moi tout et tout de suite. Quitte à se faire péter par les schmitts. On veut tout et tout de suite. On veut tout et tout de suite. Moi tout et tout. On m'a dit d'apprendre à marcher pour pouvoir courir. Mais je veux créer mon empire. Sur le terrain, c'est vivre ou mourir. La galère, pas facile d'en sortir. En mode voilà la tire pour que dalle s'attire. Devant la juge, faut mentir, du coup se repentir. On m'a dit d'apprendre à marcher pour pouvoir courir. Ma vie a sa délire. Ouais, ira dans les bacs. Aïe, L.I.M. avec moi, Al Vagabond. Aïe. Ça c'est un peu d'évasion. Aïe, on a toujours besoin d'évasion. Mais la liberté. Une exclue de l'album de Mohal Vagabon en préparation. Aïe, il faut du soleil, nana, petite collation. Qu'on se regarde dans les yeux, qu'on envisage une relation. Que je la séduis sur une plage de sable blanc. Sur une mer turquoise, sous un ciel bleu éclatant. Bordé de palmiers, comme dans une carte postale. Un paysage de rêve dans un décor nuptial. Je veux être son fantasme sur une île paradisiaque. Dormir à la belle étoile sur un mac ou un zodiac. Au gouffre de la passion, mille et une nuits. Qu'elle soit célèbre ou inconnue, je l'épouserai pour la vie. Une princesse et son parfum au filtre de l'amour. On naviguera sur un océan de velours. Pour elle, j'écrirai des lignes dans mes livres. On dansera sur le rythme de la joie de vivre. Je sentirai la chaleur de sa peau et de ses lèvres. Brûlant comme le soleil qui se lève. Casse dédié à Salo. Aïe, aïe, aïe, Salo. Liberta. Mohal Vagabond. Exclu, il pourra ça nulle part. J'ai envie d'aller voir ailleurs, un moment d'évasion. Besoin de respirer de l'air pur, loin de la pollution. Un moment détente, pas dans une salle d'attente. Je veux voir du paysage, ça fait longtemps que je patiente. Dans une hacienda, au milieu de cactus. Me baladant comme un gringos, 40 degrés Celsius. Ambiance latino, sous un sombrero. Que pasa hombre, como esta amigo. Estoy muy bien, soy el vagabundo. Y arriba, viva el mundo. Je décortique la vue panoramique du haut de la corne. Ou sur une péniche avec une femme, pas une boniche. En première classe ou en classe économique. Une thalasso, une thérapie, un voyage exotique. Un départ imminent, un décollage immédiat. Destination, le soleil et la playa. Aya, Rio, Oslo, Japon, Aya. Il rate dans les bois, ça va. Aya. Sur une île déserte, sous la chaleur des tropiques. Comme un aventurier ou un guide touristique. Sous un oasis entouré de bédouins. De roses, des sables et fleurs de jasmin. Sur l'eau d'un chameau ou d'un dromadaire. Comme un nomade à travers le désert. Sentir la chaleur de sa peau et de ses lèvres. Brûlant comme le soleil qui se lève. Sur une île déserte, sous la chaleur des tropiques. Comme un aventurier ou un guide touristique. Sous un oasis entouré de bédouins. De roses, des sables et fleurs de jasmin. Sur le dos d'un chameau ou d'un dromadaire. Comme un nomade à travers le désert. Sentir la chaleur de sa peau et de ses lèvres. Brûlant comme le soleil qui se lève. Aïe. Dédicace Kremlin Pisset. Momo Pouf. Même tu sais, c'est toi le boss. C'est JD. Grosse dédicace à FF. Aïe, la roi. Aïe. Keno, aïe, le P, les Barmus, les Martinez, les Bertonio. Aïe, aïe, Mohal Vagabond, Évasion. Bientôt dans l'album, Inch'Allah, bientôt, bientôt. C'est la nocturne, L.I.M. au contrôle et Mohal Vagabond qu'on écoutait à l'instant. Voilà, Mohal Vagabond, il est là. Il est là, ambiance préparée. Ambiance calme, voilà. Ah, on le connaît lui, toujours évasion. Voilà, un peu de chaleur. Ah, mais nique tous la race. L.I.M. avec nous pendant quelques minutes encore. L.I.M., on va repartir sur quoi là? Ouais, attends, je vais faire un autre truc, un petit texte à l'ancienne là. Hein? Vrai, je sens chaud là. Vite fait, rapidement. Hein? Rapidement, c'est bien. Vas-y, balance ça, Bagdadien. Bagdadien. Heya, heya. Ouais. Hi, hi, hey yo, hey yo, écoute, c'est tout, c'est les sites, c'est M-I-M, hi, hi. Hey yo, regarde le ciel et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Je crois que c'est l'éclat d'L.I.M. ou parfum de Ria. Kiné, rafraîchis les gars, constipé. Tu peux qu'à ma vie est constituée. Pluant de shit, pluant de schmitt, truant sur les jeunes, truants, brillants. Tu portes l'arme vraiment. Faut que tu m'attends, je tape des marathons fond avec la PJ ou quand je tape mon baratin, psychopathe Lady. Mais avant je passe chez le city, brème du coin, pêche un flash de whisky et roule un pichouin en tenant les murs arrosés de pisse que je gratte comme une ordure. Des bords de haute scène, c'est sûr, sûr, j'suis devenu l'escroc, cliché m'étanalyse, mais le porteur de croco, le casseur, voiture banalisée. Il faut que ça change un jour ou l'autre, faut que je mange et faut que je me range comme les autres. Ceux qui taffent un match à l'école, ceux qui relaxent et vident des gogoles. Les bulles et les heures d'école, mais je picole et fume encore, rigole quand je vole les sacs dans la cour. Donc de ma soquette, sors la hi-hop, je fume la moquette, écoute sa coquette. Au mic, je balance des roquettes, get, get, quand je plane comme dans Stargate. Et si tu vois mon scud, vole-le en supermarket. DJ Bagdad, à Taillon, à Taillon. Hey ya, on est là, à l'ancienne. C'est toujours plaisir d'avoir un petit jour. Hein, toujours plaisir à l'instant. L.I.M. avec nous, DJ Bagdad qui en transpire. Hey ya, c'est ça, on est là. Ça a deux îles. Bagdadien. On est là, mon pote. C'est la nocturne. On repart sur quoi? Quelques morceaux encore, L.I.M. de ouais, du projet, avant de se quitter. C'est ça, on va faire quelques morceaux. Là, déjà, on va écouter le morceau à featuring avec Samira. Ah, Samira. Hein ouais, voilà. Toujours titre, là. Un titre à elle. Après, toujours on se mettra deux titres de l'album et on cliquera à tout. Et après, on tirera le store. Exactement, mon pote. L.I.M. pirate dans les bacs. Voilà, Samira, on écoute. T'as quelque chose à dire le morceau, c'est quoi, c'est le morceau extrait du projet aussi? Ouais, voilà, ouais, qui est dans l'album de L.I.M. Et voilà, bah, on soutient L.I.M. Hein, allez l'acheter. Voilà, faut péter le score, Inch'Allah. Et toi, Samira, alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, pareil, hein, je me suis enfermée cet été avec Salim. On s'est enfermé en studio et on a enchaîné les titres, des nouveaux titres. Donc, on attend ça prochainement. Voilà, exactement. Voilà, on va écouter une petite inédit de Samira juste après. Allez, et là, c'est d'abord extrait de Pirate. Pirate. Dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, frères et sœurs enfermés à la MAF. Pérane, Fleury, Fresnes, Bois d'Arcy, Marseille, Limette, Aïa, Aïa, à tous les pirates. Exclu, Aïa, Sam to Sam, écoute ça. Aïe. Je chante quand je crie, quand je prie, quand je ris, mais tout est compliqué. Je chante ce que je suis, ce que je vis jour et nuit, mais comment t'expliquer? Je chante quand je suis énervé, je chante quand je fais la guerre. Je chante pour mieux rêver, je chante pour quitter la terre. Je chante ma peine, ma haine, pas la peine de nous éliminer. Je chante quand j'aime le thème, c'est ça, tout ça, déterminé. Je chante depuis que je suis né, je tiens ça de mon père. Ma vie c'est pas du ciné, et la place coûte cher. Y'a tellement de choses dans ma tête qu'il faut que ça sorte. D'où je viens c'est morose, regarde les roses sont déjà mortes. Peu s'en sortent, peu nous ouvrent leurs portes. Peu importe, je reste forte. Je chante mon stress dans un petit deux pièces, je chante la liberté. Je chante la jeunesse, ma détresse sans cesse dans ma tête, ça va péter. La bombe ne va pas tarder, je sais plus quoi faire. À part chanter pour m'évader, et non pas pour vous plaire. Je chante quand je pleure de douleur, les rancœurs j'essaie de les mettre de côté. Je chante avec le cœur quand j'ai peur, à toute heure mon bonheur peut me quitter. Je chante l'unité, respecte ton adversaire. Avance avec humilité, change tes mauvaises manières. Y'a tellement de choses dans ma tête qu'il faut que ça sorte. D'où je viens c'est morose, regarde les roses sont déjà mortes. Peu s'en sortent, peu nous ouvrent leurs portes. Peu importe, je reste forte. Je chante quand je cours sans compter les tours, j'ai besoin d'évacuer. Je chante par amour, je chante le parcours d'une jeune fille d'immigrée. Je chante pour décompresser, au KLM pépère. Toujours speed, toujours pressé, on a le temps de rien faire. Je chante les principes et l'éducation que ma mère m'a apportée. Je chante l'esprit d'équipe dans un monde fait d'inégalités. Où est la moralité? Va chercher dans le dictionnaire. Fiction, réalité, souvent s'y perd. Y'a tellement de choses dans ma tête qu'il faut que ça sorte. D'où je viens c'est morose, regarde les roses sont déjà mortes. Peu s'en sortent, peu nous ouvrent leurs portes. Peu importe, je reste forte. Aïe. Dans les bacs, on n'oublie pas. Hey ya. Bien vu Fred. Hey ya. Tous illicites. On connaît la musique. Nocturne. Hey ya. Avec ce morceau de Samira qu'on écoute. Titre inédit donc. C'est ça, un titre inédit. L'album est en préparation. Ça arrive voilà. Bientôt. On s'éclate. Et puis en attendant Samira donc sur le morceau Mon frère est un dealer voilà. Qu'on a passé. C'est ça qu'on retrouve sur l'album, le double album Pirate. Et là, on continue, on termine. Petite session juste avant, un petit mot quand même sur est-ce qu'il y a d'autres sorties de prévues, les violences urbaines? Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Là, il y a un projet rail que je vais commencer à entamer, t'as vu? Donc voilà, dont on va écouter un peu le nouveau style là. T'as capté, il y a trois petits titres qui vont s'enchaîner. Il y a DZ qu'on retrouve sur l'album Pirate. Je suis un DZ, un Zazahiri, ça veut dire un Algérien. Algérien, ouais. Je le sais bien. Ensuite, One, two, three. Exact. One, two, three. Vive Algérie, frère. Et après, il y a un titre qui s'appelle Voyou, qui est extrait de l'album Pirate aussi. Et il y a un titre aussi que j'ai enregistré à Oujda, là. Je viens d'arriver de Oujda, du Maroc. J'ai fait un peu le tour du Maghreb. Donc, on va écouter ça. Grosse dédicace à Tougens. Donc, ça sera le dernier titre de la session. Et voilà, quoi. Eh ben, Eliam, on compte pendant quelques minutes encore. Vas-y, on est parti. Je suis un DZ. One, two, three. Tahiyat Zazair. Hey, Yahoo. Ici, ils disent que je les embrasse. J'ai toujours une pensée pour ma famille au pays. Comment les oublier, même trahir. Trop ont perdu la vie pour des papiers d'Yaoui. Le soir dans mon lit, je rêve de la Kabylie. Darmizen, c'est l'aile fournie. Je suis loin des scènes, je mène une vie de folie. Je veux écrire sur la corniche, j'aime que c'est la haine. Les conneries, j'en ai tant fait dans le secteur. C'est vrai que dans le match, je suis un peu d'acteur. Aujourd'hui, plus rien ne me fait peur. Je suis à 17 dans la tête, dans le cœur. Des conneries, j'en ai tant fait dans le secteur. J'ai même quitté tapé le directeur. Je suis pas là pour être spectateur. Même si j'ai tant mangé l'extincteur. Hey ya, je suis un DZ. Dis-leur bien, je suis un DZ. Quand je suis dans la merde, j'ai pas besoin d'aide. Normal, je suis un DZ. Dommage que c'est dans le mal que je procède. J'ai un pied en France, l'autre en plaie. Super guerrier comme dans des BZ. J'vous le hell, la la la la la la. J'vous le hell, la la la la la la. J'vous le hell, la la la la la la. J'vous le hell, la la la la la la. La France est sur mes pas, l'Algérie est dans mon sang. J'ferme les yeux, t'inquiète que t'as fait, j'me crois au roi. Oh mon Dieu, pas nourri, y'a un son d'arrêté grand. France à ma belle Houria qui m'attend chez ses parents. Il est temps, faire honneur car j'suis un DZ. Même si c'est un volat dans le match ou procès. Ou arrière en Y. Si j'étais qu'un dealer en roller blade. Il est temps de faire honneur car je suis un DZ. Ça vaudra pour que d'un se réconcilie. El Hermana et Vaudrine c'est pas leur remède. Ils parlent mal de nous et ça nous précède. Hey ya, je suis un DZ. Dis-leur bien, je suis un DZ. Quand je suis dans la merde, j'ai pas besoin d'aide. Normal, je suis un DZ. Dommage que c'est dans le mal que je procède. غوز ديديكاس الحومة تاع بخار فار سان سيجان ترك سبيطة راه خويا لا لا لا لا لا هيا وان تو تري سي فيفا الجيري ترك العوزن Jaoui Tarouki, restons unis. Même si c'est pas facile de faire sa vie. La corruption, la zermie, c'est nos seules allergies. Amis, et si j'aime on peut sentir la douleur. Même quand on est jugé par notre couleur. Pour mes bâtés, je deviens rouleur à l'heure. Toujours pisté par les terres. Amis, on ressent plus la douleur. Je représente tout le bruit et l'odeur. La jeunesse du bled, c'est le monde. Alors allumons les réacteurs. Hey ya. Je suis un DZ, DZ. Dis-leur bien, je suis un DZ. Quand je suis dans la merde, j'ai pas besoin d'aide. Normal, je suis un DZ. Dommage que c'est dans le mal que je procède. Hey ya. J'ai un pli en France, l'autre en plein. Cool, cool, tous les chemins le roule. Je suis un DZ. Super guerrier comme dans des BZ. J'vous le halalalalalala. J'vous le halalalalalala. J'vous le halalalalalala. J'vous le halalalalalala. Allez, on se met en mode cabaret maintenant. Hein, DJ Bagdad. Hey ya, avec Cheb Moumou. Hey ya, on est là. Hey ya, grosse dédicace à tout le monde. Hey ya. On écoute ça au max, frérot. Aïe. Tous ici. Voilà, Bagdadien, mets du son, mets du son. Oh non, Ellie. Moi je suis comme voyou. Depuis petit je fais des gars en coups. Moi je viens d'en dessous, j'ai tellement mangé de goût. Tu sais dans la street pas facile de faire ses sous. Moi je mets des pieds de fou, à 5-4-8 sous. Il est bien que je suis comme voyou. Moi je suis comme voyou. T'es mal et l'air obligé d'être debout. Mais pour le chapeau sans tout double tout. Fou, fou, de ta route ou tes genoux. Chez nous la daronne peut mettre un coup de topo. Les petits ne respectent plus rien du tout. Y'a des deux respectifs qui fait on s'en fout. Dis-leur bien que je suis qu'un voyou. Aïe. Je suis qu'un voyou. Depuis petit j'attends que tourne la roue. J'ai toujours une pensée pour me faire belouer. واحا face aux jumeaux. Hey ya, Sam, tout Sam. J'ai roulé ma poche, rien demandé à personne. Pris le flingue par la cause pour éviter qu'on cartonne. J'ai jamais ouvert la gueule quand les gars me questionnent. Gams, c'est où Gams? Est-ce que l'on est un dealer, un voleur? On est ce que l'on est, un braqueur, un guetteur? On est ce que l'on est, un guetteur, un batteur? On est ce que l'on est, un hacker, un scélère? Aya, grosse dédicace à toi, Iso, Aya, Nono, Caritas, Aya. Dédicace à Fafa. J'ai toujours évité le trou. Ça craint autour de moi, y'a trop de jaloux. Dans la merde, on comprend vite, on est seul tout. En mode système des bourgeois, des deux bouts. Hey ya, dis-leur bien que je suis qu'un voyou. Bande à taille. Moi je suis qu'un voyou. J'ai grandi avec une meute de loup. Toujours au fait, toujours au rendez-vous. Je suis un meuf de l'ouest, ça je l'avoue. T'es plus un peu, mais chacun sait avec le fait qu'on joue. Jouer du pic par la fin, sans que les gars peuvent mettre en joue. Ah, elle me dit que si tu m'appelles, je puisque pas des ribous. Dis-leur bien que je suis. Moi je suis qu'un voyou. Je suis pas du genre à attendre l'audio. Rien ne sert d'enfoncer le clou. Mais ce qu'il y a dans le chasseur. Aïe aïe. J'allais mettre vos légumes. Aïe aïe. Bia ou bia. Clé qui m'y a. Lé lé lé lé lé lé. Bientôt j'ai mon rouille, Arbon les bien sûr. Salut, moi le vagabond. L'équipage, la GDR. Hey ya, Zeto Sky. Comme sur Arbon la Gouleur, bien sûr. Sa mère, wow. Sans ouvrir, bien. Nadir Farid, le frère Tom, le frère Ganja. Et Arbon le Kouin. Allez, dernier truc en direct de Moustache. Dédicace à tous les frères. Les haraga, aïe, rana gam kodin, aïe, tous ici. واش حنايا جامي نقول لقاولي سيدي رجال يعرفوا رجال ماشي واش كاين في جيب اللي رباني كلي رباك دم واحد وعربي حربي صحيبي مالا ماركي خاطينا لي حركي عشنا لا ديلانكونس ضحكين ورسنا عالي مفروض عليك الريسبي خويا ضرب الصالي الزنقه مخلطه ناس من ذهب وناس من فضه والحديد بالخف يتسطى شفور حرق و تي عشيك تمام و هومار رويدا و ترابندول تولا و كلوندو حرقه و اغوم حضره و كوبي لا نجيب الدراهم ماشي الدراهم اللي جيبوني مركبين لنا كاع فطرولي ولعبين المونوبولي هارد كور وترافيك راك تعرف في بلادي حكموا با وحكموني جامي يحكموا ولادي سي جامي اوبليي تو مي فرير اون فاد كاع او كاع فلا باري ووش تاع فيني ماسا كي باس عندو ريغول مي مو حاس لا يسي ولا با تاكيت با اون شونج با تاكيت با اون شونج با T'inquiète pas, on change pas. Hey, y'a bim bam boum. Salam alaikum, rana oulad l'houma. Aya, Alger, Oran, Oujda. Aya. سطلو اكستازي كاسو كاشي كلشي يجيك تشوف عينيك في الزناقي تخطر هاد الجيل نتقاتلو باش نعيشو بنادم بحياتو يريسكي مالا فيك سيف مخك وزيد سيبلي بنادم ماشي خلعه الخوف من الله صاحبي الشدة فيه سبحانه ماشي في العربي لازم تكابطي النص داخل بلادوز مالا شكون لاكوز شكون حرق و تي عشيك تمام و حومار رويدا و ترابندول تولا و كلوندو حرقه و اغو حضره و كوبي شاري ماشي بخاطري لا راني حيطيس حياتك مع كلامي يعطيوك وقت صعيب حاسين بحياتنا كاملة راح تفيد شكون لقيت لي خرجك من حياة الريسك هيا سي جامي اوبليي تو مي فرير اون فاد كاع او كاع فلا باري ووش تاع فيني ماسا كي باس عندو ريغول مي مو حاس لا يسي ولا با تاكيت با اون شونج با تاكيت با اون شونج با T'inquiète pas, on change pas. مشكل ما كاش مشكل عندي درهم بصح قليل بصح قليل شتخيل بابيلون فيل في الحومة لتمي السيل تمي السيل خويا ما كاش مشكل ما كاش مشكل عندي درهم بصح قليل بصح قليل شتخيل بابيلون فيل في الحومة لتمي السيل تمي السيل J'ai jamais oublié tous mes frères en vodka au Capra, Paris rouge d'armée, les massas qui passent à nous, on rigole, même on reste là, ici ou là-bas, t'inquiète pas, on change pas. T'inquiète pas, on change pas. T'inquiète pas, on change pas. Hey, y'a bim bam boum, salam alaikum, rana ouled l'houma. Dédicace à tous les frères de Sarcelles à Marseille, hey, yeah, de Orly à Alger. Aïe, de Toulouse à Tanger, aïe, Ktema, aïe, Bouralfa, aïe, Tounsi aussi, aïe, c'est comme ça que ça se passe, frérot, Tougan, aïe, C-L-I-N, aïe, Tougans, aïe, yeah. Grosse dédicace à Kouaf, Samir, Jada, Kilada, Armada, Chosh, Samsung, Mounir, Tiara, Volka, Aya, Farid, Nabil, Jafoura, Stehoud, Suela, Sandra, Aziz, Lyricist, Mustafa, Armini, Khoya, Aya, Momo, Miami, Wishdi, Et ouais, mon ami, Mehdi, Oujda, Paris, Aya, Rel Nikmi, Rel Nikmi. Aïe, pirate. La nocturne avec Eliem qui se conclut donc sur un morceau, sur un futur projet, c'est ça Eliem si j'ai tout compris? C'est ça, non, en fait ça c'est un titre qu'on a fait au calme, modèle délire au bled. À Oujda. Ouais, voilà, à la frontière algérienne. On était là-bas avec un rappeur de Oujda, Tougans, grosse dédicace à lui, on a enregistré ça, on s'est fait plaisir et je me suis dit tiens, pourquoi pas le partager avec tout le monde. Eh ben merci Eliem pour cette nocturne consacrée à l'album Pirate, double album qui est dans les bacs. C'est ça, double album qui est dans les bacs. Merci à toi de nous avoir invité. Oh. Oui, je sais pas ce que c'est, ça sent le lapsus. Ouais, tu n'as pas invité, une gare nique sa mère, je m'en bats les couilles. Merci, merci, voilà qu'on soit là. Tu nous as quand même soutenu depuis tout le temps, depuis hein. Ça fait un moment. Et on l'histoire ensemble. Continue. L'histoire continue et j'espère qu'on ira à fond dans leur cul. Merci à vous tous, merci Eliem Bagdad qui était aussi au platine. Ouais, je sais pas. Il n'a pas démérité, qui va pouvoir aller se reposer. Ouais, il va prendre des vacances. On va l'envoyer au Tunisie, manger de la rissa. Direct. Hein? Avec du pain et du bon pain tunisien. Voilà, grosse dédicace. Après Soso Jumeau qui est là, c'est ta dédicace à faire avant de quitter. Grosse dédicace à faire. Hein, voilà, fais la liste des dédicaces. Hein, on va commencer par tous les frérots qui sont enfermés. Hein. Fren, Fleury, hein, Bois d'Arcier, Oni, Villepinte, Nanterre. Ah ouais, lourd. Tout le monde là, Teddy, Amine, oui, la liste elle est trop longue, je vais pas tout citer, mais bon. Bébina, Eddy, Mehdi, Vixen, Kambé, Kams, Haz, Shrek, Match 1, Match 2, Madi 1, Madi 2, Stick, Cyril Niver, Jason Eliem, Samy Djema. Stokos, Jaclar, Startin, R1 Label, Big Nas, Carlito, Mista Flo, Bibouche, Makaba, Coco Skilachi, Mims, Clams, Yassir Vitry, Yassir Toulouse, Yassine Marocco, oui, Fouette, Bader, la team CDD, Patato, Sefiu, Punch, Vizi, Orly 94310, Boulogne, Les Saules, Demilunsu. Hey, la liste elle est longue. Grosse dédicace. Grosse dédicace aussi à Jabran qui est là avec nous. Hein, c'est un peu la relève du rap. On aura l'occasion de l'écouter, etc. Et de le découvrir. Et de le découvrir. Déjà sur YouTube, on peut le découvrir. Et voilà, avec Cheikh Momo, il est là. Hein. Attends, viens, Momo, viens. Mais on l'a entendu chanter un petit peu. Mais attends, juste avant de se barrer, c'est pour moi ça. Vas-y, c'est pour toi. Fais Den. سكرين عيان هنا خابط وشارب الارطال هي مسطول مليول الي مسكرين ومليول يحيى كاع البلاجيري وعرب لاكابيلي هيا يعطيك الصحة ميرسي ا توا ميرسي ميرسي الي ميرسي اون رابيل كو بيرات اي دون لي باك ميرسي ا فو تو هيا بيرات بيراتاج علي البيشو فيت تورني دون لي باك فيت سكو فو فولي كاع تشاو ميرسي ا فو توس لا نوكتورن كونتينيو بلانيت راب 100% راب فرونشي. Allez, on continue cette nocturne 100% rap français avec Caris. C'est arrivé cette semaine. Le morceau s'appelle Blue. Caris! Zongo. Zongo le dozo. Zongo le dozo. Zongo le dozo. Putain. J'ai dit putain. À la street, je suis fiancé. Zongo. Elle est bonne comme Beyoncé. Zongo. Tu jacques, tu jacques, tu jacques, oui on sait. Putain. Faut que tu penses, on sait qui on est. Quoi? Pénal, pénal, tu dans ton cas-vu. Ouais, ouais, ouais, le SAMU. 2-7, 2-7, 2-7. Grosse racaille, cherche pas le salut. Pas moi de vrai pas, et puis tout dégage de ma vue. Dégage de ma vue. Sa bibi sous leur nez. On fait ça toute l'année. Bitch, on sait qu'on va cramer. Même si t'as la foufanée, on te guidera sous amener. On n'est pas là pour parler. On a déjà tout cramé. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Comme dans Blow. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Comme dans Blow. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Comme dans Blow. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Comme dans Blow. Bang, bang, Blow. J'lâche une bombe comme Enola Gay. Puis j'ai trouvé plus bonne que toi, j'crois que j'vais te larguer. Tu veux un follow me? T'as le huc en dolori. Encaisse l'ergonomie. Il me reste l'autonomie. Comme un hardeur, j'fais des trios. Couille de fou, fou. Fuck la peur, cœur de griot. Couille de loup, loup. J'vais te la mettre, n'oblige pas à faire comme avant. Rafale de 9 mm dans ta pomme d'avant. Putain. J'ai combattu, j'ai fait la guerre. Je suis pressé, ma soeur. Je suis sensible, touche-moi la huc. Si tu veux toucher mon cœur, na, na. Pour mes sous, pour mes larges, je suis à l'heure comme Big Ben. Brolic, brolic, sous le lit pour tuer le croque-mitaine. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Comme dans Blow. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Comme dans Blow. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, comme dans Blow. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, comme dans Blow. Bang, bang. Zongo. Zongo le dozo. Putain. Zongo le dozo. Zongo le dozo. Putain. Zongo le dozo. Français, planète. La nocturne. C'est moi qui te quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de Bombardier. J'vais te casser le dos, pas te mailler. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà pas le blessé sur le palier. Comme autre tueur, mais oh, j'suis médaillé. Bah, mon lance négro, allez, dalle. La cuenta fut très très sale. T'as à l'âge, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis pas un plat de thieboudienne. Même moi, j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Sers-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton enfant, il sera pris d'otage. À quoi sert de pion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R, j'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mama Kosa, FLO, Mara, Salvatrocha. Oh, négro n'a pas vraiment de shot. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hyper que de gauche à droite. Tyson Gribord de bombardier, j'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le roi. Première roue arrière et des mers. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer les crocs. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. MZ dans la nocturne. Nouveau son qui est débarqué aujourd'hui. On shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot des sapés, bretetetang, bretetetang, bretetetang, bretetetang, bretetetang, bretetetang, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot des sapés, bretetetang, bretetetang, bretetetang, bretetetang, bretetetang. Chaque jour de la semaine, c'est le week-end, l'occasion de sortir des bouteilles, donc j'ai pas Luc Belair. J'en commande une vingtaine, sous rosé la vie est plus belle. Et on shoot, on shoot, on shoot, on shoot. Ça fait bang bang, du Mali sur le square garden, jusqu'à la fontaine. Hey, bletetetang, je suis le meilleur dans ce game. Avec mon boys band, pour ceux qui soutiennent, sachez que Big Daddy vous aime, foncez dans la Benz. Je zoom zoom zem, comme je Esther et Cool Chain. Je me shoot, je me shoot, je suis hot, je suis comme Kurt Cobain. Et je fais le Space Mountain de Chevaleret à Avenue Montaigne. Je suis classique comme le Wu-Tang. On shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot des sapés. Bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang. On shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot des sapés. Bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang. Un shot, j'te shoot, j'te shoot, ta fouf, elle kiffe. Le truc, moi de même, je lui pouffe. Rappeur, t'es drogué, arrête de jacter. En plus, ton produit t'étouffe. Approche, t'inquiète, j'ai de la bonne. En un tour de magie, tiens, pouf. Ça fait plaisir, tété. On a du bon terre. Ramène le tété, wesh les tata. Passe à la télé, suis toujours raté. J'suis plus fort que Neymar. J'ai tué Superman. J'fais que du sale, j'en ai marre. J'suis foncé comme Gucci Mane. On shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot. On shoot, on shoot, on shoot des sapés. Bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang. On shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot des sapés. Bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetetang. J'arrive, il arrive, j'suis frais, il est frais, comme d'hab, comme d'hab. Tu souffres, j'esquive, il esquive les flèches. Comme Jones, chaque jour, elle est lourde, elle est belle, Pokéball, je la choque, je suis chic, je suis cher, je suis chaud, je suis choc. On se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse. Les murs ont des oreilles, un peu de drap sur le couvert, je suis discret, comme 007, et tu blagues de tête. On shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot. On shoot, on shoot des sapés. Bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang. On shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot des sapés. Bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang, bletetetang. Planète rap 100% explicit lyrics. Ice Lemsi. Tic tac. trotteuse de l'horloge. Baby, j'ai ce flow sorti de l'usine Terriori Horloge. Baby, tu veux que je t'offre une paire de George, je te prends des Jordan. Un cheveu dans ma soupe, j'y plonge le visage du majordome. Mais chaque nuit j'entends tic tac. La trotteuse de l'horloge. Bang bang, j'ai ce flow sorti de l'usine Terriori Horloge. Baby, tu veux que je t'offre une paire de George, je te prends des Jordan. Un cheveu dans ma soupe, j'y plonge le visage du majordome. Mon pote Nathan m'a dit de t'en attendre pas. Alors je frappe le beat comme tempo. T'as dû chanter sur le mauvais tempo. Toute ton équipe est au star. Y'a que toi qui tombe pas. J'ai les points serrés. Leader Farhad derrière gauche droite. Cache un middle. Et j'ai beau taper ton blast sur Google. Recherche 404 notre femme. D'autres massacres. Si tu m'as nos femmes, toi ferme la suite. Le système évoque. Si tu respectes pas nos choufs, plein phare, coup de pare choc, Range Rover évoque. Tes vers ne m'évoquent pas grand chose à part de l'esbrouf. Je nage avec mon argent car les euros sont waterproof. Je dors pas, je regarde la trotteuse, l'horloge. Les pipeuses me font des éloges. Ténébreuse, ma clique dans la loge. Sucre d'orge au fond de la gorge. Solitaire comme un ritano, je fume beaucoup sable et mexicano. Conduite brutale sur la brutale. Ignotine ou la cupido. Tic tac, la trotteuse de l'horloge. Bang bang, j'ai ce flow sorti de l'usine Terriori Horloge. Baby, tu veux que je t'offre une paire de George, je te prends des Jordan. Un cheveu dans ma soupe, j'y plonge le visage du majordome. Mes chapelets, j'entends tic tac. La trotteuse de l'horloge. Bang bang, j'ai ce flow sorti de l'usine Terriori Horloge. Baby, tu veux que je t'offre une paire de George, je te prends des Jordan. Un cheveu dans ma soupe, j'y plonge le visage du majordome. Le jeune loup solitaire attire les chiens en route. Les gens seront solidaires quand il pleuvra du fric. Algérois Souning qui font partie de ma pute. Un putain de sagittaire au mental anti-flic. Anti-fire, ta fenêtre qui m'identifie. Tous les locaux les plus fans d'un mot antifique. Donnez-moi disque d'or pour que je relativise. Tu sais qui était fort, mais t'es mon petit fils. Dis-moi qui m'a aidé. Ne m'appelle pas, j'ai des mamelles à têter. Les bandits de bondis, ils arrivent dans la fête. Ça là c'est pour moi, tout seul à la poule est dédée. Je te brûle ton rat, je nique la porte par deux. Pas de tête à tête, venez deux par deux. Tout est bien qui finit mal au sommet du règne animal. Le shit, la coke et les armes à feu. Je renais de mes cendres, hashtag Phoenix. Et je suis trop bourré, j'ai saccagé. Je tiens pas debout comme Lenny Kravitz. Et j'insulte la merde des keufs en verre. Alger, pire combat, la grande passe. Aucune chance même si tu ripasses. C'est bien toi que je visais pas ton pote. Tes balles ça ricoche, j'y glame si record. Better life. Tic tac. Tic tac, c'est un Yuri j'entends. Tic tac, la trotteuse de l'horloge. Bang bang, j'ai ce flow sorti de l'usine Terriori Horloge. Baby, tu veux que je t'offre une paire de George, je te prends des Jordan. Un cheveu dans ma soupe, j'y plonge le visage du majordome. Mes chapelets, j'entends tic tac. La trotteuse de l'horloge. Bang bang, j'ai ce flow sorti de l'usine Terriori Horloge. Baby, tu veux que je t'offre une paire de George, je te prends des Jordan. Un cheveu dans ma soupe, j'y plonge le visage du majordome. Tic tac, la trotteuse de l'horloge. Bang bang, j'ai ce flow sorti de l'usine Terriori Horloge. Baby, tu veux que je t'offre une paire de George, je te prends des Jordan. Un cheveu dans ma soupe, j'y plonge le visage du majordome. Et chaque nuit j'entends tic tac. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Vous êtes sur Banlieusard FM. Président d'une radio plus grossière que courtoise, Henri de Lesquin souhaite devenir le prochain président des Français. Dans sa parodie de programme, il propose de bannir la musique nègre des médias soutenus ou autorisés par l'État. Et évidemment, pour lui, le rap, cette musique immonde, c'est de la musique nègre. Michel Audiard écrivait « Les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît ». Ces propos n'ont pas laissé indifférent le monde du rap. Musique nègre, c'est donc le titre de la nouvelle chanson du rappeur Kery James, l'auteur du très dérangeant mais fédérateur Racaille. Accompagné du Prims parolier et de Lino, Kery James répond à Henri de Lesquin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le poète noir ne tire pas à blanc. Un mec qui écrit pour les autres, il s'appelle Saint Nègre. Un noir qui plane au-dessus de j'appelle Saint Nègre. J'ai fait un cauchemar, Martin Luther, un rêve. Dans mon cauchemar, j'avais giflé Michel Leeb. Les grosses lèvres, les plus célèbres. Je me sens beau, noir, je m'élève jusqu'au high level. High level. La foule enlève, la merde la fout entre Chaka Zulu et 12 years slave. Mon art c'est la sève, garde yes weekend. Si tu me réduis à la danse, Kentucky Fried Chicken. Négro, je dérange, mais le nez du sphinx explosé. Comme Huey P. Newton, calibré sur un trône en osier. J'suis aussi choqué, leur quota brise les quotas de la France profonde. Tricard comme Joker sur Gotham, comme un gros tag sur la Joconde. J'raconte que les Antilles sont pillées par la métropole, que mon Africa est bien trop forte et que l'Africa est souvent négrophobe. Forte est ma musique, imagine, offre les codes Illuminati. Ici pas de négro fragile, rouge, jaune, vert, kaki. Le cul posé, j'ai pris votre place, je me prends pour Rosa Parks. Je me prends pour tout ça, l'ouverture, bouton cul de Bonaparte. Yes. Musique nègre, pas calibré pour ma FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence. Musique nègre, gardez Yes Weekend. On fait de la musique nègre. Je suis choqué leur quota. Choqué leur quota. Musique nègre, pas calibré pour ma FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence. Musique nègre, gardez Yes Weekend. Sur le boulevard de la vie, je suis dans l'angle mort. Un nègre qui les défie est un nègre mort. Depuis le bruit et l'odeur, je sens que je dérange la France. Je fais un tour chez Guerlain, je mets du parfum de violence. Quelle arrogance, quelle insolence. Comme Sarkozy à Dakar, je choque l'assistance. Je me sens pas plus européen que la livre Sterling. Je fais mon nègre site au sol comme Alton Sterling. A trop respirer le rejet, j'ai le poumon perforé. Je pourrais mourir d'infection comme un Traoré. Des négrophobes comme Alain Soral dans un texto. Partout sur le globe, c'est chaud d'être un négro. Les histoires deviennent des... Les histoires deviennent des légendes. Les légendes deviennent des mythes. Je roule des bâtons dans les jambes. Noir crémite, sale noire, faucheuse. Je dépasse les limites. J'emprunte les voies rocheuses. Je brûle comme le soleil à son zénith. Accrocheuse, massive, calme majeur levé. Regarde à quoi on me cantonne. Le vrai du faux, je démêle. Sombre attitude comme ces necks sortis de Compton. Et d'après le Vatican, j'ai mérité les chaînes. Mec, si je mens, l'enfer m'attend. J'allume le feu de la révolte. Je brûle les bouquins de Fernand Nathan. Guéris ma divorce, pas de blasphème, j'ai mille grandes sûretés. Je rappe ma vérité nue, genre Crazy Horse, conne sans les insulter. Pas calibré pour la FM, acclamé par la street, j'avance entre les croix gammées. Les croix cramées. À livrer, j'ai des millions de combats, à en choquer les forces du mal. D'en bas, c'est nous la France, négro, comme Alexandre Dumas. Puis la primaire, leur crâne encaisse pas son du tam-tam. Musique nègre égorge le rossignol, nos gueules en prime time. Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence. Musique nègre, gardez Yes Weekend. On fait de la musique nègre. J'ai choqué leur quota. Choqué leur quota. Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence. Musique nègre, gardez Yes Weekend. On fait de la musique nègre. Musique négrière pour un feat. Là c'est Kerry James qui m'invite. Secteur A tout simplement noir. Ménage à trois et mafia qu'un free. Je serai dernier s'il n'en reste qu'un. J'ai croisé des regards mesquins. Controversé dans mes vers. C'est comme un concert de Black M à Verdun. Puisqu'on nous critique dans nos combats. Ma négritude dans le coma. Votre presse a bien fait semblant. Quand Laurent Blanc parlait de quota. Nabangaka li sousouté. Nabangaka boutouté. Nabangaka kakandambe. Nabangaka moutouté. Les nègres la caille c'est ça. M'a prêté la yo pérélé. Musique nous yo pas aimé. Coulé nous yo dénigré. West Indies, négro radical. Haïti, royaume d'Africa. Qui va défendre tous nos écrits. C'est ni le cran, ni même la licra. Prime. Musique nègre. Pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence. Musique nègre. Gardez Yes Weekend. On fait de la musique j'ai nègre. J'ai choqué leur quota. Choqué leur quota. Musique nègre. Pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence. Musique nègre. Gardez Yes Weekend. On fait de la musique nègre. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. PNL dans la légende, c'est dans les bacs. Tout comme l'album de Kerry qui est sorti aujourd'hui. Et on écoutait Musique Nègre avec Lino et Youssoufa. Musique

française. 100% explicite lyrics. La nocturne. Avec Dossé. Hey. C'est la nocturne 100% rap français. Yoré. L'album. Incessamment sous poco. Du flow et du propos. Yeah. La street attend mon album autant que Narcos saison 3. Sous côté ci, sous côté ça. Blablabla, wesh, ils ont quoi? Ces rappeurs buzzent plus que moi, mangent bien plus que moi et regardent quand même mon assiette. Je suis le bug de ce début de siècle. Tout ce qu'ils veulent, c'est me voir à sec. Je vois leur sourire faussaire. Leurs tentatives de vie sont grossières. Certes, ex, ils ont ses pères. Pour moi, c'est que des ex-fans qui ont juste arraché le poster. Ce qu'on a, beaucoup peuvent l'avoir. Mais ce qu'on est, personne pourrait l'être. Fraîchement débarqué chez Capitol, je quitte juste une plantation pour une autre. Je ressemble au coin dans lesquels je traîne. Je me sens bien que dans les extrêmes. Où je crève dans le sous-sol, où je règne sur le toit du monde. Y'a pas de juste milieu, c'est de la même manière que j'aime. Barbu comme un tola radicalisé. Trapu comme un caméra, ouais tu vois lire des. Pour la mettre en fion, ce con, j'ai mis le dernier style frais. J'ai une petite lumière tamisée. Encore un gros dossier que je dois valider. Je vois la concurrence qui est tétanisée. Et j'ai ce putain de rap game à dévaliser. Où Marie a cru quand eux me croyaient raté. Je les vois s'endetter pour des vacances d'été. Pendant ce temps, je me construis une vie où je ressentirai plus jamais le besoin de m'évader. J'lis mes lettres de créance en me faisant sucer par la factrice. Serein comme un grossiste, protégé par l'optrice. Oui, le négro est vrai, c'est eux qui sont factices. Oui, le négro est prêt, nigga, pas besoin de practice. 10 piges d'investissement dans ce biz, vivement que j'amortisse. Je ne vise que la première sous plat, pas les couilles de ton top 10. Nique ta grand-mère la guerre, comme indiqué sur la notice. Je suis bien plus chaud que tous ces chemettes. Arrêtez un peu vos sottises. Tout pas comme un roux, all eyes on me. Je vous regarde de haut comme un gars de la soli. Bien élevé mais impoli. Je te l'ai déjà dit, j'arrive à être à la Broly. Dis pas que le King est mort, je suis ni Michael ni Elvis. Le respect tu demandes est-ce qu'il existe. Les pecs, la barbe rouge, c'est ce qu'il excite. Maman, tu peux être fier de ton fils. Tiens de ce bif au prêtre qui dirige l'office. On va tous crever, dis-leur qu'ils en profitent. Je leur prends la tête comme une tumeur à l'hypophyse. Même en abusant sur l'autotune. Fils de putain, tu chantes toujours aussi faux. Tu vas crever seul dans un abri de fortune. Pourtant tu es né dans les gros hôpitaux. L'industrie je la baisse, Jack Larue ne m'a pas eu. 31 piges, encore toutes mes chicots. Ton équipe se fait remplir le cul comme une urne. Je te refais le drapeau du Japon sur ton tricot. Hey, je te trouve un peu irritable en direct à tes règles. Charbonne car je veux mourir avec des souvenirs, pas avec des rêves. Pas avec des rêves. Jouer, jouer. Planète rap. 100% rap français. Monsieur Kalash Criminel qui débarque bientôt avec un projet. À découvrir dans la nocturne 100% rap français. Comme un mec sur le banc, tu vas rien faire à part rester assis. Zaïrois sauvage, 243 comme Yannick Bolassi. On perd pas à l'extérieur, on perd pas à domicile. Volontaire et l'homicide. Je sais que les médias font semblant de pas savoir qu'au Congo il se passe un génocide. Tu vas featuring, réponse négative. Ramène-nous des plans à but lucratif. Ici c'est tout pour l'attaque. Comme le FC Barcelone et faillade offensive. Tous mes sauvages sont dangereux. Ah ouais? Tous mes sauvages sont très agressifs. Traite des mères sur internet. Ah ouais? En face tu finis, un soir intensif. Qui vivra verra, toujours en train de verra. Faut même pas me taira, mes gars sur le terrain. Bah les couilles de ta vie, c'est que tu peuras. Je rappe mieux que toi et t'as la jura. 4-0-23-2-7-0. Rapide, efficace comme Kuna, Guero. Y'a pas de je t'aime, pas tes Giro. Comme lui, Suarez, El Pisto, Mero. Sous-estimé? Ils savent très bien que je suis le meilleur. Quand la calasse tire, personne n'arrête la balle. Même Manuel Neuer, tu te fais piétiner. Tes potes ont couru, tu me parles de solidarité. À ce fond de la classe, fini diplômé. Je suis content de ma scolarité. Crois pas que tu fais du rap hardcore parce que t'es rempli de vulgarité. Sache que tout ce qui m'arrive c'est mérité. Les enfants et les poucaves disent la vérité. Sale est la sonorité. Choqué de la brutalité. Tout niquer notre mentalité. Faire monter le taux de mortalité. Sale est la sonorité. Dirigé par des dictateurs, c'est normal qu'on parle qu'avec autorité. Mais sauvage et moi, on met des pénalties à tous nos adversaires. Pourtant, on a tous arrêté le foot. Sache que on peut te refroidir, même si t'es tous les jours dans le four. Sauvagerie! sale et la sonorité. Sauvagerie, choqué de la brutalité. Ils veulent tous rapper, n'assument pas leurs propos. Ils font les fous à la cité, au comico, ça bave comme des crapauds. Ils veulent tous rapper, n'assument pas leurs propos. J'avais que ce lomite, tout qui est popo. Ils font les fous à la cité, au comico, ça bave comme des crapauds. Arrête de jurer sur la vie de ta mère, t'es qu'une salope. On sait que tu vas rien faire. J'ai la haine depuis petit, encore plus depuis que j'ai perdu mon grand frère. Sale la sonorité, choqué de la brutalité. Tout niquer notre mentalité, faire monter le taux de mortalité. Sale la sonorité, pas le même niveau, pas de rivalité. On a de la frappe de très bonne qualité. À ce vrai, street est la réalité. Street est la réalité. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Je vous vois tous. Xo dans la nocturne. Je vous vois tous. Bitches transport et grave, faut pas que les keufs me cravent. Ça allume pour un dibar, ils se poucavent sur Instagram. Même dans la bibi faut innover, un trace à pêcher, PC hop. Argent sale musique, toi tout laver. Même ces putains de gars vont nous planer. Rip it, c'est moi le best. Glock dans la main depuis mineur. Capitaine d'équipe, c'est moi le leader. C'est pas des rappeurs mais des dealers. Tout est réel, y'a pas de pipocan. On sort le tarpé, faut que tu foutes le camp. La mémoire dans la peau, oui, très méchant. Révolté depuis l'époque des champs. Gallop. Les porcs pètent un capir qu'un cowboy. C'est le Far West, les potes payent sur ma bande. Hors la loi comme là-bas qu'on te vole. Sortir de la merde ou bien je la vends. Sortir de la tête, oui, je suis en plein de temps. Salope aujourd'hui, j'ai pas ton temps. Jeune pipe ingénieux, j'ai grave des plans. Ah bah oh chèche. Les doffés, c'est mon job. Les petits vendent plus du shit, ils veulent de la cop. Ça parle tonne, sur le terrain c'est le Black Lion. C'est des suceurs, je vois que des clones. Ces petites fiottes s'affolent quand ça parle ça. Money dans la tête. La mala, ouais c'est paye. Panama, Pattaya, des grosses bouteilles. Grosse commission, les keufs surveillent. Arrive à Charles de Gaulle, ils ont sauvé le poteau. Fébé, les gars, quoi les gros. Y'a ton blaze dans tout ce pot. Ça joue les rappeurs du 9-3, peu sera vendre à me cramer, mais ils ont jamais rien fait. Ils comptent sur leurs potes, sur leur tête, sur leur grand, mais tes couilles, dis-moi, sont-elles passées. T'as le buzz sur le net, chez toi, personne t'écoute comme le ouf de la tête, tu le sais. Un futur menacé, j'ai pas attendu d'être validé pour tous se les allumer. On achète. Deux fois plus fort. Mix, c'est peu fini. Je vous vois tous. Ouais. C'est qui fait quoi? Quand même. Toki. Je vous vois tous. Ok. Planète Rap. 100% Explicit Lyrics. Parisien magicien, mon chef d'orchestre, monsieur Barack Adama. Ce que je fais, c'est ton fessier, ça moi je tape, que si c'est La propagande arrive négro, car vous êtes très très très mou. Fille de malade, toi t'es pas là, car t'es très très très nul. Négro très très content quand je vois que les très très périssent. Oui, très très tentant, sur ces femmes aux beaux petits leggings. Quand le biston mis, j'ai le sourire, j'ai du mal à comprendre. C'est Domi, guette la malade bien sur le mili. Joli garçon, yes, c'est terrible. Me comparer à eux, c'est comme si tu compares le guetteur au trafiquant. Guetter, je suis dans les temps. Parisien gros, oui, c'est évident. Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, je transforme tout en or. Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, je transforme tout en or. Parisien magicien, magicien Houdini, Parisien pour la vie. Transforme résine en bif, comme si je fumais un split. Participe à nanani, je suis en compète sur la vue broliquée. J'avoue, je suis un peu pompette, mais ton occupe pas mon avenir. Hey, je porte des îles, pas de produits dérivés. Trou et ton pull, c'est sûr, je vais arriver. Allume le feu comme Johnny Hallyday. Je te vois courir et ton cœur palpiter. Cacacabao, en live de Periscope. Même dans le froid, mon territoire. On rentre chez toi quand on périscope. On n'est pas là pour faire du cinéma, c'est moi le geek qui mène la danse. Ici c'est Paris, quoi qu'ils disent, numéro uno quand j'y pense. Tu visites la tour Eiffel, on localise ton appareil photo. Non mais de quoi je me mêle, parle pas de moi et mes potos. Djangili, djangili, trop être nerveux. Fusilé, fusilé, tous ces petits merdeux. Milili, milili, je le veux en sérieux. Laissez pas les gros dans sa queue, ils sont tous vieux. Paname est magique, mais les rues sont salaces. Toi t'as cassé mon fer, mais t'inquiète, tu vas ramasser. J'ai rêvé d'une frappe qui me sert dans le palace. Parisien magicien, qui te baisse barra trop la classe. Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, je transforme tout en or. Parisien magicien. C'est Bava qui contrôle, ouais. Ma langue en Beretta, yeah. Je suis dans la 9ème zone, ouais. Le flow est véritable, yeah. Rien ne c'est mon défaut, ouais. Parisien irritable, yeah. On contrôle la ligue à l'illégal, l'élégance, les dégâts, y'en a trop, la dégaine, Paris gros, fait des babés, des boîtes, les gros rêves de nous, oui, car elles font du goût, tout nous, MC des coupes, on vise à toutes les coupes, la France est à l'écoute, d'ailleurs je te dédicace, yeah. Parisien magicien, on a mis au chômage tous les boumaras, yeah. Si on rentre sur le terrain, 3-0 minimum, t'es dans l'embarras, yeah. Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, je transforme tout en moi, moi, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, je transforme tout en moi, moi, Parisien magicien. Planète rap, 100% rap français. C'est extrait du projet de Lefa maintenant, dans la nocturne. Tu rêves de grand palace au bord de l'Appalache. Laisse ça mon petit, tu n'as pas l'âge. Tu viens de sortir de ton emballage. Faut pas plonger si tu ne sais pas nager. T'as rien à faire ici, déménage. À côté de moi, non, tu ne peux pas marcher. Autrement dit, petit, y'a pas match. Y'a pas match, y'a pas match, y'a pas match, y'a pas match, y'a pas match. Y'a pas match, y'a autrement dit petit, y'a pas match. Y'a pas match, y'a pas match, y'a pas match, y'a pas match, y'a pas match, y'a pas match. Autrement dit petit, y'a pas match. Ah, parler, parler, y'a des choses qu'on ne peut pas réparer. Pardon petit, va te barricader. Ce qui va se passer là, faut pas regarder. Pas regarder, faut pas regarder. Monte dans ta chambre parce que ça va barder. Si t'as la pêche, tu vas pas la garder. Si t'as la pêche, tu vas pas la garder. Parce que j'avais pas le seum, mais ça va pas tarder. Si je démarre, tu pourras pas me rattraper. Je vais bombarder, tu vas rétrograder. Je vais bombarder, tu vas rétrograder. Parce que même au taquet, tu peux pas me tacler. Si je te réponds pas, faut pas me rappeler. Si je te réponds pas, faut pas me rappeler. Je t'ai déjà dit que j'allais pas t'apprendre à rapper. Tu rêves de grand palace, grand palace au bord de l'Appalache. Laisse ça mon petit, tu n'as pas l'âge. Tu viens de sortir de ton emballage. Faut pas plonger si tu ne sais pas nager. T'as rien à faire ici, déménage. À côté de moi, non, tu ne peux pas marcher. Autrement dit, petit, y'a pas match. Y'a pas match, Y'a pas match. Autrement dit, petit, y'a pas match. Y'a pas match. Autrement dit, petit, y'a pas match. Je n'ai pas besoin d'en faire trop. J'ai regardé dans le rétro. Ils sont à des kilomètres. Et tous mes soldats sont au garde à vous. Es-tu sûr de vouloir partager le plat d'un loup? Ne la sors pas du caleçon si c'est pour bander mou. Tu peux rester au vestiaire, y'a pas match entre nous. Tu rêves de grand palace, grand palace au bord de la pelage. Laisse ça mon petit, tu n'as pas l'âge. Tu viens de sortir de ton emballage. Faut pas plonger si tu ne sais pas nager. T'as rien à faire ici, déménage. À côté de moi, non, tu ne peux pas marcher. Autrement dit, petit, y'a pas match. Y'a pas match. Autrement dit, petit, y'a pas match. Y'a pas match. Autrement dit, petit, y'a pas match. Je n'ai pas besoin d'en faire trop. J'ai regardé dans le rétro. Ils sont à des kilomètres. Autrement dit, petit, y'a pas match. Y'a pas match. Autrement dit, petit, y'a pas match. Y'a pas match. Autrement dit, petit, y'a pas match. Y'a pas match. Autrement dit, petit, y'a pas match. Y'a pas match. Autrement dit, petit, y'a pas match. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. C'est DTF dans La Nocturne. Suffisait d'un mot et j'ai compris l'affaire. Tout ce que tu gagnes, un jour tu vas le perdre. Et niveau femme, j'envie l'époque de ma mère. On sait qu'on va mourir et on se demande si la vie sert. Tu me penses ton ami, c'est peut-être lui qui crache dans ton dos. Il connaît tes qualités, tes faiblesses, tes plus gros défauts. Et le temps passe vite, j'ai déjà 24 piges. C'est la mère, faut du chiffre, j'ai l'énergie, calcine sa mère. Je veux atteindre le sommet, mais arriver en haut, je veux continuer à monter. On en veut toujours plus, un gros billet à prendre, j'ai mon verre à ta santé. Ils font des youf gros, c'est des rigolos. Ils ont une somme, dommage, je les renverse comme Piccolo. Ils s'en foutent, quoi qu'on parle, l'alcool à de l'eau. Allô, le monde, Alpha Marie, j'ai tapé au galop. Galop. La la la la la la la. Oh, galop. La la la la la la la. Que la vie c'est gaufret, y'a le buzz, tout est cool. Mais qui était là quand je tournais en rond comme un fou? Je les veux tous en levrette, à part Dieu personne m'effraie. En fait, plus victoire que de défaite. Je répète, ils croient que la vie c'est gaufret, y'a le buzz, tout est cool. Mais qui était là quand je tournais en rond comme un fou? Je les veux tous en levrette, à part Dieu personne m'effraie. En fait, plus victoire que de défaite. Je répète, Nico, je suis dans mon hall pendant que mon clip passe à la télé. Avant j'étais personne, maintenant je vois ma tête dans les pépés. Je veux le monde, à poil et jaloux, fuck les pédés. On ira jusqu'au bout, je veux que la monnaie m'appelle bébé. Je voulais le chemin du paradis, on m'a montré l'enfer. Je suis perdu dans le brouillard, je ne sais plus comment faire. Plus je vois des fils de petits go, plus je me renferme. J'irai jusqu'à la mort pour rendre la daronne fière. Attiré par le bif, c'est la monnaie qui fait l'homme, pas de choix. Les poches vides, donc Nico, je porte mes couilles. Une chaise en bas du bateau. Ton daron me regarde bizarre, c'est la haisse, c'est la street. Plus de sport, ça part en couille. Lève le bras, lève le T-Max, accélère. Je fais pas taper de route, donc je m'entends dans SLR. Tu veux, je monte sur la scène, casse pas la tête, sors le bif, non. Y'a pas de poteau pour le Zeyo, ça rappelle comme Toto. Rina, je pars en impro, plus va plus gros que Rina. Ah, trop regarder le ciel, tu es attiré par les étoiles. Grosse casse d'aide à ghetto, Inch'Allah, Libera. Je suis chez Père, je ne sais plus quoi penser. Entre le bien et le mal, Igo, je sais plus sur quel pied danser. Que la vie c'est gaufret, y'a le buzz, tout est cool.

l'instant le son d'Elams pour conclure cette nocturne. Elams qui débarque dans Planet Rap dès lundi 20h-21h. Le Way Way Love à l'instant, c'était le morceau d'Elams. Rendez-vous lundi sur Skyrock à pas louper. Passez une bonne soirée, une bonne nuit fabuleux. Et là, il va prendre le contrôle rap R&B en non-stop. On se retrouve donc lundi entre 9h et midi. Je vous retrouverai déjà. Et puis entre 20 et 21 aussi pour le Planet Rap avec Elams. Ciao, bon week-end. Du rap et du R&B. Turn it up.